On a le pot de chevlèche et la tarte au maroilles. Genièvre de l'os de houle, quantité de bière spéciale. La jonla, la chimée et la bière des collines. Y'a rien de tel pour qu'on puisse conserver la ligne. On boit le café à l'chuchette avec N Bistoul. On mange des frites, de l'boulette d'avenne et des moules. On peut rien trouver de mieux pour pas se peler les fesses. Pour se protéger du froid, y'a rien de tel que la graisse. On vient du nord, là où il pleut, où il fait froid, où on s'endort. Sous le doux regard et l'effroi, nous on te dit. On est chimie, on ne changera pas. On a la vie des mineurs, l'histoire des cons. Les cafougnettes immortalisées par Mousseron. Des ruines, des remparts et des fortifications que Vauban a bâti partout dans la région. On a le carnaval et les joutes à canotte. Des ports de pêche avec des marins, des matelotes. Quant à Rony et à Raoul, nos deux héros, ils gardent un œil sur nous en buvant l'apéro. On vient du nord, là où il pleut, où il fait froid, où on s'en va. Sous la nous regarder le froid, nous on te le dit. On est chimie, on changera pas. On changera pas. On vient du nord, là où il pleut, où il fait froid, où on s'endort. Sous la nous regarder le froid, on vient du nord. Là où il pleut, où il fait froid, nous on te le dit. On est chimie, on changera pas.